414, activation, oral comprehension, gender of nouns. You will hear 20 nouns preceded by an article. Indicate whether these nouns are masculine or feminine by checking the appropriate box. Un jeune homme. 2. Une jeune fille. 3. Une histoire. 4. Un monsieur. 5. Un roman. 6. Une aventure. 7. Une maison. 8. Un chien. 9. Un éléphant. 10. Une tragédie. 11. Le cinéma. 12. La faculté. 13. Le voyage. 14. Le film. 15. La comédie. 16. La maison. 17. Le jeu. 18. La dame. 19. La victime. 20. Le crime.